Passez un très bel après-midi sur la première, c'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La relation entre la Corée du Nord et du Sud ont franchi une nouvelle étape. Je crois que c'est l'affrontement le plus important de la guerre froide. Elle a vu ce qui s'est passé en Chine dans les années 1840. Cette semaine, la Corée. Elle a vu ce qui s'est passé au Japon une génération après, dans les années plutôt 1860. Du déchirement au face-à-face. La Corée a été divisée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Un même nom pour deux pays. Le nom de Pyongyang n'apparaît pas aux côtés de Séoul sur le logo olympique. Ici, c'est ni le communisme, ni autre chose, c'est le Kim Il-sungisme. Les Américains n'ont pas su gérer un pays qui avait 5000 ans d'histoire. Cela peut paraître curieux, mais en Corée du Nord, les formations en tourisme jouissent d'une réelle popularité. Ils vivent aussi sur un système de caste. Les femmes coréennes sont la force. C'est le modèle. C'est l'endroit où on voudrait habiter. Et même, je dirais, la compétitivité de la Corée. 4 octobre 2007. Après 54 ans de conflit, ils n'ont toujours pas signé la paix, mais ils trinquent en signe d'une possible réconciliation. Même si le climat demeure tendu, le dictateur nord-coréen Kim Jong-il et Roh Moo-hyun, le président de la Corée du Sud, ont convenu aujourd'hui de bâtir un régime de paix durable. Car les deux pays sont toujours officiellement en guerre depuis 1953, aucun traité n'ayant jamais été signé depuis la fin du conflit. Dès son retour à Séoul, le président sud-coréen a fait part de son espoir de rapprocher enfin les deux pays. Les relations entre la Corée du Nord et du Sud ont franchi une nouvelle étape. Ces efforts consolident la paix dans la péninsule, réduisent les tensions militaires et favorisent la coopération économique entre les deux pays. Depuis plusieurs mois, Séoul et Pyongyang multiplient les gestes d'apaisement. Mardi, le président sud-coréen a franchi symboliquement à pied la ligne de démarcation. Mais au-delà des symboles, c'est autour de la centrale nucléaire de Yongbyon que se joue la résolution du conflit. La Corée du Nord vient d'accepter de démanteler son site, une condition sine qua non pour les Américains et les Chinois, dont la signature est indispensable pour formaliser ce traité de paix. Soixante ans après la scission, la Corée vit séparée par un rideau impénétrable. Un 38e parallèle infranchissable, insurmontable. Rideau de fer couvrant la terre, rideau de fer se prolongeant sur la mer. 10 novembre 2009. C'est un incident de plus entre les deux Corées, une nouvelle tension aux aires de bataille navale. Mardi matin, en mer Jaune, un navire militaire sud-coréen tire sur un patrouilleur du Nord. Ce dernier est très endommagé. Selon Séoul, le bateau nord-coréen aurait franchi la frontière maritime entre les deux pays, ignorant les avertissements des Sud-Coréens. Nous avons effectué des tirs de semonce conformément au protocole et le navire nord-coréen a tiré directement sur notre bateau. Nous avons riposté et il a fait demi-tour. Selon la version de Pyongyang, son patrouilleur poursuivait un chalutier chinois pêchant illégalement dans ses eaux. Dans son communiqué relayé par la chaîne de télévision officielle du régime communiste, l'état-major nord-coréen qualifie l'incident de grave provocation armée. Les autorités militaires sud-coréennes doivent présenter des excuses au Nord pour cette provocation armée et prendre les mesures qui s'imposent pour qu'une provocation similaire ne se reproduise pas. Le mois dernier, la Corée du Nord avait accusé Séoul d'avoir violé cette frontière maritime contestée en y dépêchant des navires de guerre. Cette zone de la mer Jaune est fréquemment le théâtre de frictions entre les deux sœurs ennemies. Depuis 1999, plusieurs dizaines de personnes y ont été tuées. Cet accrochage rappelle que les deux pays sont toujours théoriquement en guerre. Pyongyang n'a jamais reconnu le traité de paix de 1953 et rejette l'armistice qui a mis fin à la guerre de Corée. La paix signée, la paix non reconnue, des avancées, des reculs, des poussées de tensions. Laurent Kisfit, spécialiste de l'histoire militaire coréenne. Cela pèse un poids considérable parce qu'aujourd'hui encore, pour les vieilles générations du moins, vous avez 10 000 familles séparées. 10 000 familles séparées, ça fait aujourd'hui plus de 100 ou 200 000 personnes impliquées, avec les descendants, les fils, les filles, les cousins, etc. Mais en fait, presque aucune famille n'a été épargnée. Parce qu'on parle de 10 000 familles séparées, mais si on cherche, vous trouverez toujours un oncle, un grand-père, un arrière-grand-oncle qui a été blessé ou a eu quelque chose pendant la guerre. La littérature coréenne est pour ça tout à fait intéressante. Vous avez souvent des allusions à du temps où les maquis étaient dans la montagne, ou du temps où, etc. Vous avez des sagas en plusieurs volumes sur cette époque spécifique. Vous avez des livres qui sont parus sur telle ou telle région. Il y a eu des choses sur Jeju-do aussi. Certaines ont été publiées d'abord au Japon pour ne pas encourir la censure. Mais vous avez une masse littéraire, des poèmes de division, une littérature de division extrêmement riche. Peut-être aujourd'hui, maintenant, la tendance change progressivement parce que les jeunes générations sont peut-être moins sensibles à cela. Mais quand vous savez que régulièrement vous avez des incidents de frontières, vous sentez une, je dirais pas une tension, mais on vit très bien, on est détendu, et en même temps on sait très bien qu'il peut toujours se passer quelque chose, même si c'est peu vraisemblable. Famille divisée entre Nord et Sud, et quelques retrouvailles symboliques soigneusement organisées. Sur place, Margot Chouraki. Rosong-ho, 48 ans, retrouve sa sœur aînée. 22 ans les ont séparés depuis son enlèvement par la Corée du Nord alors qu'il pêchait en mer. Samedi, une centaine de Sud-Coréens ont franchi la frontière militarisée avec la Corée du Nord pour voir des membres de leur famille. Yoon Gi-dal, 88 ans, retrouve enfin son fils qu'il n'avait pas revu depuis la guerre. Je pensais que la réunification des deux Corées n'allait pas tarder, mais cela fait 60 ans. Je suis enfin aux côtés de mon père après 60 ans. Avec une frontière inaccessible, des lignes téléphoniques coupées, un service de courrier interrompu, aucun contact n'a pu être établi entre les deux Corées depuis l'armistice qui a mis fin à la guerre en 1953. Les deux frères ennemis ont entamé ces rassemblements familiaux en 2000. 16 sessions avaient déjà permis de réunir près de 16 000 Coréens. Mais avec un regain de tension entre Pyongyang et Séoul, la Corée du Nord les avait suspendus depuis 2 ans. L'organisation de cette nouvelle réunion signe les prémices d'une détente entre les deux pays. Mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. Avec une moyenne d'âge de 70 ans, des milliers de Sud-Coréens qui avaient demandé à revoir leurs proches en Corée du Nord sont morts avant que leur volonté ne puisse être assouvie. Autre retrouvaille, reportage Nathalie Touré. Cette femme qui suit Monsieur Shin est sa seconde épouse, celle du Sud. Lorsqu'il vivait au Nord, pendant la guerre, il avait fondé une première famille. Mais il a dû fuir sans imaginer un instant qu'il ne reverrait plus les siens. À 92 ans, il va enfin retrouver sa fille. Il se souvient comme si c'était hier de leur séparation. Ma mère la tenait sur son dos et ma fille m'a dit « au revoir papa ». La fin des hostilités et la partition de la péninsule ont changé la vie de cet homme pour toujours. Un homme rongé par la culpabilité dont les cicatrices ne se sont jamais refermées. Quand je vais revoir ma fille, la première chose que je vais lui demander, c'est comment vont ta mère et ta grand-mère, où se trouvent-elles, où sont-elles enterrées? Et toi ma fille, quelle a été ta vie? En fait, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Les réunions sont organisées par la Croix-Rouge. Au Nord comme au Sud, des dizaines de milliers de personnes ont rempli ces dossiers de candidature aux retrouvailles. Une première sélection se fait par tirage au sort. Les 200 finalistes sont ensuite choisis selon des critères d'âge et de lien de parenté. Quant aux conditions de ces rencontres, la Croix-Rouge reconnaît qu'elles sont à améliorer. Les gens pensent qu'ils vont pouvoir passer 3 jours et 2 nuits pleines avec leur famille, à manger et à dormir ensemble. Mais nous n'avons conclu aucun accord en ce sens avec le régime nord-coréen. Sur les 6 rendez-vous organisés au cours de ces réunions, ils ne passent au total que 11 heures ensemble. C'est très peu. Le Nord a le dernier mot. C'est sur son territoire, près de la frontière, que se déroulent ces réunions. Quelques heures seulement pour rattraper toute une vie. Des moments bouleversants. Participer à ces réunions reste pourtant le rêve de plusieurs centaines de milliers d'hommes et de femmes. Et il faut faire vite. La plupart sont désormais très âgés et beaucoup de candidats aux retrouvailles sont décédés sans avoir jamais pu revoir leur famille. Thank you. Étrange rencontre, improbable rencontre. Les Sud-Coréens apportent sur recommandation de la Croix-Rouge des chaussettes, des sous-vêtements chauds, des médicaments. Les Nord-Coréens répètent imperturbablement à chaque phrase le nom. Le même nom, à l'infini. Kim Jong-il. Ils répondent qu'ils n'ont besoin de rien. Le grand leader leur a déjà tout donné. On pleure, on s'échange des photos jaunies, vieilles de 60 ans, d'avant la guerre de Corée. Père Bernard Sénécal, université jésuite de Sogang. Je pense pas que ça ait... Il y a plus d'échanges avec le Nord, dans un sens. On a eu une conscience beaucoup plus aiguë des conditions humanitaires de la Corée du Nord. Il y a un souci d'aider. Mais en même temps, bien que ce soit un pays qui se trouve, je crois, à une quarantaine de kilomètres de Séoul et qui menace de ses canons à longue portée toute la couronne séoulienne de destruction, en une heure, servir de ces canons-là, il peut faire un dommage considérable. On oublie complètement l'existence de la Corée du Nord. C'est ça qu'il faut voir. La Corée du Sud est ouverte sur le monde par les bateaux, par les avions, et on oublie ce voisin du Nord. Et le souci de la réunification est absolument pas la préoccupation numéro un des gens que je connais. C'est pas la préoccupation numéro un des étudiants. C'est une situation nationale tragique, ce qui l'union fait la force et la division affaiblit. Mais ça n'est pas la préoccupation numéro un des Coréens, absolument pas. Et ensuite, la possibilité d'une réunification demeure extrêmement aléatoire. Bon, et les experts de la Corée du Nord disent que le Nord tel qu'il est peut perdurer pendant encore un siècle sans que ça pose aucun problème. Il n'y a rien qui, à court terme, permette de prévoir, d'anticiper un effondrement du régime nord-coréen. Bon, bien sûr, c'est ce qu'on disait du mur de Berlin, c'est ce qu'on disait de l'Union soviétique. Mais à court terme, ça semble, même à moyen terme et à long terme, ça semble un régime qui soit en place pour pouvoir durer, quoi. Moi, j'ai quantité d'amis dont la famille est extrêmement marquée par les conséquences de la guerre de Corée et par la partition du pays. Moi, je connais des gens dont le père est un réfugié du Nord et qui ne s'est jamais remis de ne pas pouvoir revoir ses parents. Et ça a marqué son comportement en tant que père de famille, en tant qu'époux. Et ses enfants en ont énormément souffert. Mais je veux dire, des cas comme ça, on en trouve en très grande quantité. Alors, c'est un conflit qui est peut-être très loin derrière, mais qui a marqué en profondeur l'histoire. Et c'est une histoire dont on ne peut pas tourner la page. Et comme ça, c'est pas parce que l'événement s'éloigne dans le temps que ses répercussions ne demeurent pas manifestes de multiples façons, bien qu'on n'en parle pas tout le temps. Dans le cas de la Corée du Nord, c'est 10 millions de personnes qui ont été divisées par le conflit et l'établissement d'une zone démilitarisée entre les deux pays. Et ça, ça se sent, mais de multiples façons. On a des étudiants de l'université qui sont des réfugiés de Corée du Nord. Moi, j'en accompagne personnellement et... Ils le disent bien, ils viennent d'un pays qui fait qu'ils ne sont pas préparés à vivre en Corée du Sud, bien que désormais leur avenir se joue ici. Mais il y a un écart de mentalité tel qu'ils sentent bien qu'au niveau du vocabulaire, de la manière de penser, de concevoir la réalité, qu'ils sont pas, ils seront toujours en marge de la société sud-coréenne. François Gonnement de l'Asia Centre. Le dilemme du gouvernement nord-coréen, c'est que toute ouverture et toute réforme peut lui être fatale. C'est comme la décompression d'un vaisseau spatial, si vous voulez. Ils vivent en isolat, ils vivent en situation de contrôle, ils vivent sur le mythe propagé au sein de la population nord-coréenne d'une mobilisation et d'un patriotisme qu'ils incarnent et des dangers du monde extérieur. Ils vivent aussi sur un système de caste, il faut bien dire, qui était un système de caste d'abord relevant de la sociologie politique, qui est aujourd'hui doublé d'un système dynastique achevé. Ils sont dans une situation véritablement hors norme. Ça leur rend très difficile de lancer ce qui pourrait paraître logique, un processus à la chinoise de réforme par le bas, d'ouverture partielle, si vous voulez, de libération des marges. On s'aperçoit qu'à toute tentative de ce genre, la Corée du Nord oppose très vite un refus ou une nouvelle fermeture. Ça n'empêche pas que la situation y change, d'ailleurs. Il ne faut pas non plus la décrire comme entièrement fixe. Mais je dirais que l'ennemi, peut-être l'ennemi le plus fort du Nord en termes politiques pour l'avenir, c'est le Sud. Parce que c'est vraiment le modèle coréen lui-même. Et il sera difficile, une fois qu'on connaîtra le Sud, de récuser le patriotisme du Sud. C'est le modèle coréen qui menace le plus directement la caste dirigeante nord-coréenne. Et donc, toute autre forme d'ouverture est préférable. Même celle à la Chine, honnie par ailleurs des dirigeants nord-coréens, qui la considère à la fois comme une menace nationale fondamentale pour l'essence coréenne et comme une menace politique très grande parce que c'est un autre système léniniste et qu'ils connaissent bien les petits défauts des systèmes léninistes. Ils ne s'apprécient guère entre eux. C'est un petit peu comme les dirigeants nord-vietnamiens, les dirigeants vietnamiens, les dirigeants chinois en 1979. Mais malgré cela, entre une ouverture risquée à un voisin puissant et le risque de ce que j'ai appelé la dépressurisation par l'ouverture à la Russie du Sud, jusqu'ici, la Corée du Nord a dit non au Sud dans presque toutes les circonstances. La paix signée, après 54 ans de mutisme et un armistice comme une fin en queue de poisson clôturant une guerre de 3 ans, la guerre de Corée aura reçu l'appellation de guerre oubliée, comme un conflit mis de côté. Que reste-t-il de cela dans la mémoire coréenne? Quel souvenir pour les vétérans coréens? 6.25 전쟁 때 저희 한국군을 자원을 해서 입대해 가지고 프랑스군에 파병이 됐죠. 파병이 2등병으로 프랑스군에 파병이 돼 가지고 집병 전투에서부터 시작해서 프랑스군이 한국을 떠날 때까지 같이 있었습니다. Au début, il a entré dans l'armée coréenne. Après, il a été envoyé dans l'armée française, le bataillon français. Donc, il travaillait juste à départ du bataillon français en France. J'ai 지금 82. 당시에 23살인가 그럴까요? 23살, 22살 그때죠. Il avait à peu près 22, 23. Dans la guerre de Corée, maintenant il a 82. Bien sûr, il a des souvenirs de la guerre et des batailles qui étaient très méchants, mais aussi ce dont il se souvient le plus, c'est la camaraderie. Donc, tous ces jours qu'il a passés avec ses camarades français et le bataillon français, eux, ils le traitaient comme un vrai ami et un vrai camarade, et il n'y a pas de discrimination, il les traitait en fait comme des vrais frères en fait. En tant que combattant, il a participé à toutes les guerres avec le bataillon français. Mais la bataille la plus marquante pour lui, c'est la crève du cœur. Et c'est là où il voyait des obus qui partaient. C'était un moment très inoubliable et qui sentait vraiment le moment de mort, en fait. Tous les jours, le lendemain, il s'est un peu endormi, il s'est relevé. L'armée chinoise était genre 3 ou 5 mètres devant, donc il devait combattre, lancer la grenade, etc. Et tout ça, maintenant, en fait, il ressent que la guerre, c'est rien. C'est juste se tuer et il ne faut pas répéter la même erreur. Père Bernard Sénécal, Université jésuite de Sogang. Quand je suis entré chez les jésuites en 1979, plus précisément, on m'a demandé si je m'intéressais au monde soviétique, ou à la Chine, ou à l'islam. Mais j'ai dit oui, et que j'allais accepter d'aller là où on m'enverrait. Et il se trouve qu'en Corée du Sud, on a demandé l'envoi de 3 jeunes missionnaires français. Et donc on m'a fait la proposition, j'ai regardé où le pays se trouvait sur une carte. Et puis j'ai dit au bout d'une semaine que le pays me plaisait, de par sa situation géographique, et que j'avais vraiment envie d'y partir, de consacrer à son étude le reste de ma vie. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le mariage, est-ce qu'on sait vraiment ce qui nous attend? C'est quand on commence une carrière, est-ce qu'on sait ce qui nous attend? On a une intuition de départ, et quand cette intuition est authentique, eh bien elle ne nous lâche pas, quoi. C'est un peu comme suivre sa propre étoile. Bien qu'on ne connaisse pas la suite du chemin, eh bien on a la certitude que ce chemin ne mène pas nulle part. J'avais fait à Paris un petit peu d'études, mais c'est un vernis ne correspondant à pas grand-chose. J'ai commencé par faire 3 ans d'école de langue à plein temps. Et on m'avait dit, la clé ici, c'est la langue. Sans la langue, tu seras toujours un handicapé, tu pourras rien faire. Je crois que c'était le meilleur conseil que pouvaient me donner mes aînés, quoi. Ceux qui étaient passés par l'expérience de l'apprentissage de la langue. Et au bout de 3 ans, bon, j'ai commencé à travailler dans des quartiers pauvres. Et c'était en tenant le balai, en aidant les gens qui faisaient des tâches ménagères, quoi. C'est comme ça que... Vous savez, l'école de langue, c'est comme un laboratoire, hein. On peut avoir d'excellentes notes à l'école de langue, mais ça ne veut pas dire que quand on se retrouve dans la rue à mettre en pratique ce qu'on a appris, que ça sort tout seul et que les gens nous comprennent. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on les comprenne. Il ne faut pas s'éterniser dans les écoles de langue. C'est un milieu protégé, quoi. Alors, il faut passer à la réalité. Et c'était quand même assez éprouvant, c'est assez cruel, quoi, de s'apercevoir qu'on n'est pas compris, qu'on ne comprend pas, et qu'en conséquence, on est traité comme si on était un petit enfant. Mais en fait, au plan linguistique, on est un petit enfant, en réalité, bien qu'on soit adulte au plan psychique. Parmi les premiers souvenirs de Bernard Sénécal à son arrivée en Corée, un détail lui est resté en tête, la largeur des rues. Quand je suis arrivé, la production des voitures coréennes était destinée à l'étranger, non pas au marché local. Le marché national était, non, ne se prêtait pas à la vente des voitures. Et ensuite, il y avait des autobus, des queues d'autobus qui n'en finissaient pas, parce que les Coréens se déplaçaient en bus. Alors ça, donc la largeur des rues, l'absence de voitures et une surabondance de bus. Et j'ai trouvé ça moche comme tout. J'ai trouvé Séoul, je me suis dit, c'est avec ce pays que je dois vivre maintenant. C'est pour ce pays que j'ai mis un coup de foudre en voyant la carte. Et j'ai trouvé la ville de Séoul absolument hideuse. Autre souvenir lors de son arrivée en Corée, ceux d'Elisabeth Chabanol, responsable de l'école française d'Extrême-Orient en Corée. Donc en fait, je suis arrivée il y a à peu près 23 ans en République de Corée, en Corée du Sud. Mais mon premier voyage a eu lieu en février 1981, lors d'un très bref passage dans la capitale sud-coréenne. Et à l'issue de mes études universitaires, j'ai eu l'occasion de revenir travailler et étudier en fait au sud de Séoul, dans la ville de Daejeon, environ 160 km au sud de la capitale. Et c'est là que j'ai vécu une dizaine d'années en étudiant et enseignant avant de me rendre dans la ville de Gyeongju, une ancienne capitale du royaume de Silla, du début de l'ère chrétienne, où j'ai travaillé pendant 2 ans comme chercheur au musée national de Gyeongju. Une connaissance de la Corée qui ne se limite pas à celle du sud, mais également à la partie de l'autre côté du 38e parallèle. Elisabeth Chabanol. Oui, en fait, je me rends en Corée du Nord depuis janvier 2003. Tout d'abord, c'était par intérêt purement personnel, en fait, intérêt de chercheur. Après avoir bien travaillé et connaissant bien les sites archéologiques du sud de la péninsule, je pensais qu'on ne pouvait pas comprendre l'histoire de l'Asie du Nord-Est sans se rendre en Corée du Nord, qui abrite de nombreux sites archéologiques. Je connaissais déjà en fait la Mandchourie et les anciens sites du Koguryo, et il me fallait connaître en fait cet espace un petit peu secret entre la Mandchourie et la Corée du Sud, qui est donc la Corée du Nord. Juliette Morillo, journaliste diplômée de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris, historienne de formation, spécialiste de la Corée, elle aussi a franchi la frontière. Alors j'y suis allée plusieurs fois. J'y suis allée avec pas mal de liberté, je dois dire. J'ai attendu pas mal de temps, j'ai laissé les Coréens du Nord voir que je parlais coréen, que je comprenais. Et j'y allais essentiellement pour rencontrer des gens et voir véritablement ce qui se passait là-bas. Je suis allée également faire une enquête de l'autre côté du fleuve qui sépare la Corée du Nord et la Chine, justement dans cette enclave de la Mandchourie, où pas mal de Coréens du Nord vont se réfugier ou vont chercher de la nourriture qu'ils rapportent en Corée du Nord. Donc la Corée du Nord, je dirais, s'il fallait résumer, je veux dire une chose très simple. D'abord, ce sont les mêmes qu'en Corée du Sud, c'est-à-dire que le caractère, la culture, la façon de raisonner, ce sont les mêmes. Donc beaucoup de défauts qu'on impute parfois à Kim Jong-il ou à Kim Il-sung, on les retrouve sans aucun problème chez les Sud-Coréens. Bon, ceci dit, indépendamment de la politique. L'autre chose est que la Corée du Nord n'est pas un pays aussi fermé qu'on ne voudrait bien l'imaginer. C'est-à-dire que longtemps, ce pays a été complètement isolé du reste du monde. Maintenant, il faut savoir que quotidiennement, quand on regarde le fleuve Toumen, qui encore une fois donc fait la séparation entre la Corée du Nord et la Chine, vous avez des ponts et qu'on voit des files de camions qui passent de chaque côté. Que vous avez également au sud, donc vous avez la DMZ, c'est-à-dire la ligne de démarcation le long du 38e parallèle qui sépare Corée du Nord et Corée du Sud, une sorte de balafre qui date de la guerre de Corée. Et là, vous avez des enclaves de coopération, notamment l'enclave de Kaesong. Kaesong est une ancienne capitale de la péninsule coréenne, mais qui se trouve actuellement au nord de la DMZ. C'est une enclave économique et culturelle dans laquelle des Sud-Coréens vont travailler en coopération avec les Nord-Coréens. Et vous avez également une autre enclave à l'est de la DMZ, dans les monts du Diamant, qui sont les monts Kumgang, qui sont des monts mythiques, chers au cœur des Coréens, où là encore, il y a des passages entre les deux Corées. Donc les deux Corées ne sont plus aussi isolées qu'on voudrait bien le dire. Notre épisode était intitulé « Immobilisme et mutation ». Entretien à Séoul, Thierry Garcin. Demain la suite avec un nouvel épisode « Olympisme, identité et société ». Cette semaine est mise en onde par Jérôme Nussbaum. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.